La semaine passée, en tout cas la dernière fois qu'on a fait un podcast, je m'en débouche une pendant qu'on fait le podcast, puis elle décide de Leroy Jenkins en dehors de la bouteille, ok? Parce que sûrement qu'il y avait trop eu de sucre dans celle-là. Je pense que j'ai récupéré un tiers de ça, mais le reste, ça allait sur mon bureau puis sur des objets, là. Fait que là, l'autre, je suis allé dans un espace libre où c'était facile à nettoyer pour l'ouvrir avant le podcast. Genre dehors. Non, je suis allé en plein milieu du salon. Puis là, je l'ouvre, mais celle-là, elle a Leroy Jenkins deux fois plus que l'autre, là. Il en restait pas. Elle a fait ouais! Tout à terre. T'es sûr que t'aurais pas aimé mieux l'ouvrir au-dessus du lavabo ou. Là, non. Ma blonde, elle me voit faire, puis elle rit, puis là, j'ai dit, au moins, j'ai fait ça dans un espace libre, puis elle dit, ben oui, en plein milieu du salon, pas au-dessus du bain, là. Oui, genre. Fait quoi, ouais, j'ai pas réalisé, mais je m'attendais, tu sais, que peut-être que ça coule un petit peu, puis mon verre était proche, puis j'étais prête, comme, à tout le mettre dedans quand ça aurait shooté, mais là, non, ça a comme. Heureuse d'apprendre, il y a un projet, il y a quelqu'un qui est en train de faire un app pour que tu puisses jouer à un jeu PC, n'importe quel jeu d'ordi, sur n'importe quelle console. Ah oh, ouais? Incluant la Switch. Puis ça, c'est juste parce qu'il va. Ça doit faire la même affaire que genre Steam Streaming In-House, là. Et ça ouais. Va juste pogner ton signal de ta console puis l'envoyer de ton ordi puis l'envoyer à la console. Comme quand tu fais du streaming d'un ordi à l'autre. Mais comment tu contrôles? La même manette. Ça envoie le input de manette aussi. C'est comme le remote play en fait. Mais ça va être juste avec les jeux qui sont compatibles avec des manettes, c'est ça qui arrive. Sûrement. Ouais, des bonnes chances. D'ailleurs, on pourrait faire un comeback éventuellement sur PlayStation Now, parce qu'à un moment donné, j'en avais parlé en parlant de Catherine, puis je disais qu'il n'y avait pas de lag, qu'il n'y avait pas rien. Finalement, il y a des affaires. Il y en a. Ouais. Je pensais que la musique a fucké parce que c'était Catherine, mais non, la musique a fuck parce que ça lag. Je pensais que c'était dans le jeu. Ça sonnait trop bien que la musique a fuck de même. C'est bien drôle. Fait que, ben, j'imagine ce qui aiderait beaucoup, c'est si on avait une connexion filaire du Play 4 directement dans le. C'est ouais, sûr que ça aide pas mal. Le Wi-Fi, c'est trop imprécis. Mais tu sais, règle générale, c'est correct, mais mettons, j'ai essayé Sonic Generations, puis ben, j'ai de la misère à jouer parce que le input lag fait que tu peux pas réagir si vite que ça à ce qui se passe. C'est sûr. Ben, c'est triste, ça. Ouais, non, mais tous les jeux de vitesse, ça marche pas. C'est dommage aussi pour, mettons, les fighting games pis tout ça. Ben, ça marche pour du in-house streaming, mettons, pour comme... Mais même si vous dites soit filaire. Ah non, moi j'étais sur Wi-Fi, puis je jouais à Saints Row. Oh, ok. Ah ouais, ça marchait. Sur mon jouet à Saints Row, mon vieux Mac, ça streamait de mon ordi. C'est toujours le fun. Je sais pas si je jouerais à Heroes of the Storm de même, mais. En tout cas. Hey, on pourrait commencer le podcast. Yep. Moi, j'ai comme l'impression que tout ce qu'on a dit avant va être conservé, mais. Juste au cas, on pourrait commencer le podcast. Là, est-ce que vous pensez qu'on est assez. Est-ce qu'Anne-Marie, tu penses que tu es assez stable pour faire la mort sans laguer? On va le découvrir ensemble. Ouais, on va le découvrir. En disant que nous sommes jeudi le. Fuck. Le 29. Le 29. Le 29 juin. Pourquoi je suis déjà en juillet? Merde. Bravo, Lars. Parce que c'est dans deux jours. Ça doit. Vous écoutez On a juste une vie, épisode 163. Je suis Narf. Je suis Blob. Et je suis Anne-Marie. Wow! Aucun lag. Wouhou! Excellent. Bon. Fait que là, ça fait genre 20 minutes qu'on parle de bière qui explose dans le salon, de laptop d'Anne-Marie qui lag. Est-ce qu'on parle de jeux vidéo? Non. Non? Ah, excusez, c'est vrai, on a juste une vie. On va te niaiser. Continuons on à parler d'un jeu live action en place. Des deux jeux live action, c'est vrai. T'es allé à une affaire, Vlad. C'est tout à fait vrai. On peut faire ça, certain. Comment c'est plaisant cool? Parce que je suis sûr que tout le monde aurait envie de participer à ça. On a fait un jeu de type Escape Room. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un jeu où tu te fais enfermer. Je vais parler de mon expérience. Ils ne sont pas tous pareils comme le mien, là, mais j'en ai fait un jour où on était en groupe de quatre, puis on était enfermé dans la chambre de quelqu'un. On avait une heure avant qu'il revienne dans sa chambre, puis il fallait trouver des indices pour résoudre l'enquête avant qu'il revienne. Puis quand on avait réussi, on avait le droit de sortir. Fait que là, on avait un walkie-talkie, puis on n'avait pas le droit de sortir de la chambre. Là, il y avait des affaires, genre des contenants, comme un coffre avec un cadenas. Oh, faut trouver la combinaison. Il y a des affaires écrites sur les murs en encre invisible. Il y avait un ordinateur avec des trucs à chercher dedans. Wow. Fait que de temps en temps, on avait, mettons, une espèce de cahier avec des indices, mais on ne comprenait pas les indices. Il fallait, par exemple, aller sur l'ordi pour trouver les indices puis savoir, par exemple, la combinaison du cadenas. Fait que c'était où, ça? Cette première expérience-là dont je parle, c'était à Trapped. Je ne me souviens pas de l'adresse exactement, là. Mais c'est une place à Montréal qui est ouverte à l'année longue. Mais plus spécifiquement, ce que j'ai fait bien, bien récemment, c'en est un autre qui est une formule un petit peu différente. C'était Zelda Defenders of the Triforce. Woohoo. Donc, dans cette épreuve-là, on avait là aussi une heure, sauf qu'on était en groupe de six et on n'était pas un seul groupe dans une seule petite chambre. On était comme une vingtaine de groupes en même temps. What? Ouais. Dans 20 chambres? Non, c'est ça qui était bizarre, c'était une seule chambre. Oh, fait que t'étais avec plein d'autres gens? Ouais. Yeah. Fait qu'au début, on était comme, waouh, ça casse un petit peu l'expérience. Mais finalement, ça a été vraiment amusant. OK. Puis juste comme ça, là, sur papier, ça a l'air d'une expérience qui va être plate ou bien comme un petit peu en dessous de ce que tu vas avoir, juste comme ta gang cachée et tout ça. C'est pas le même trip. Mais finalement, à cause de l'expérience Zelda, c'était encore mieux. OK. Fait que comment ils ont réalisé ça? C'est que y avait des NPC. Il y avait des gens qui faisaient des personnages de l'univers qui étaient habillés en cosplay, certains plus réussis que d'autres. Puis qui nous donnait les indices, puis il fallait aller voir pour porter, par exemple, notre permis pour rentrer dans le domaine des auras. Fait que là, au début, il y avait une vidéo qui nous expliquait un petit peu ce qu'on allait faire, puis on recevait une trousse avec un sac de rupies puis des affaires. La plupart des puzzles de ce truc-là se passaient sur papier. Fait qu'on avait besoin, par exemple, de résoudre un petit puzzle mathématique sur un petit carré de papier. Puis après ça, ça nous donnait un mot. Et là, on pouvait mettre tous nos mots ensemble, puis faire une phrase. Puis là, ça nous disait où aller. OK. Fait que de ce point de vue-là, ça pouvait faire un petit peu cheap d'une façon, mais en même temps, ça nous permettait comme de séparer les tâches, puis d'avoir tout le temps quelque chose de clair, puis quand même assez facile à faire, qu'on avait une bonne guidance. Et puis, le déroulement du jeu était... dans le fond, c'est comme si on était dans le monde de Hyrule, puis qu'on devait se promener. Fait qu'il y avait des règles pour se promener. On avait... On pouvait seulement se promener si on avait nos chapeaux verts de Link. Fait que dans notre trousse, on avait 6 chapeaux verts. Fait que là, sinon okay. Les NPC ne nous reconnaissaient pas. Fait que, puis l'autre règle aussi, c'était de toujours rester ensemble. Fait qu'on pouvait pas se splitter la tâche puis aller toutes à des stations différentes. Fallait rester en groupe. Puis la dernière chose, il nous disait que Ganon avait enchanté le plancher. Fait qu'on pouvait pas courir. C'était comme humainement impossible de courir. À cause que Ganon avait enchanté le plancher. OK. Mais c'était grand comment, cette salle-là? C'est... essentiellement, pour ceux qui ont déjà été dans des conventions d'animé, de Comic-Con, tout ça, c'est grand comme une grande salle de panel. Parce que c'était au Palais des Congrès, fait que ces salles-là, je les ai visitées plusieurs fois. Et puis, ça, c'en était une qui se sépare comme en 8 sections, tellement grande, puis on en occupait 4. OK. Fait que donc, c'était au Palais des Congrès. Mais ça veut dire que c'est pas tout le temps, là, cette affaire-là. Ben non, c'est un truc qui est mouvant. Fait que là, tout ce que je vais dire, j'essaie de pas donner de spoiler, mais les chances sont que vous pourrez plus jamais le faire. À moins d'aller comme dans une autre ville? Ouais, s'il est encore en cours. Okay. Ou à moins qu'il le refasse, ou à moins qu'il en refasse un autre différent plus tard, parce que je pense que c'était assez populaire. Il y avait quand même beaucoup de monde. Fait que là notre truc là-dedans, c'est qu'il y avait des stations séparées avec des espèces de panneaux de différentes couleurs. Il y avait le domaine des auras, il y avait la forêt des coquilleries, il y avait la place pour casser des pots. Il y avait... Des vrais pots? Genre... Est-ce que tu pouvais les casser? On avait des petites poches. Comme, tu sais, comme des, un jeu de poche, là, des petites poches avec un pot dessiné dessus. Il fallait les lancer. Ah, OK. Il y avait comme un mini-game, il fallait lancer nos poches. Puis là, on gagnait quelque chose. On gagnait des bouteilles. Ils ont vraiment respecté la thématique Ocarina of Time. Ouais, c'était assez spectaculaire à quel point ils avaient réutilisé les éléments, surtout de Ocarina of Time, mais des fois un petit peu comme de Majora puis tout ça. Des fois, quand tu avais tes feuilles de puzzle, tu pouvais savoir de quel jeu il était inspiré. Là. Fait qu'il y avait ça, il y avait un temple du temps, il y avait la montagne des Gorons, puis il y avait une station pour jouer à la Switch si tu avais fini. Fait qu'on a eu, nous, notre groupe, on a eu 5 minutes pour jouer à Mario Kart 8 Deluxe pour essayer le nouveau Battle Mode, puis c'est ça. Fait que tu peux finir séparément. Ben, c'est notre équipe de 6 qui doit rester ensemble et qui doit faire tout ça, mais oui, les équipes finissaient pas nécessairement en même temps. OK, fait que tout le monde, en fait, tout le monde joue séparément, en parallèle, mais dans la même salle. C'est ça? Okay. Ouais. Fait que quand même que juste fait... avec ta gang. Ouais. OK. Mais ce que ça fait, c'est que si tout le monde a découvert une certaine énigme, tu vois comme une certaine quantité de groupes qui font la file au domaine des auras, tu sais. Parce qu'ils ont tous pogné l'indice un peu en même temps, mais ça circulait pas mal vite. Parce que les gens, ils voulaient pas niaiser, là. Il fallait qu'ils finissent la game le plus vite possible. Mais ils n'avaient pas le droit de courir. Non. Ils se rendaient là en marchant calmement. J'imagine que, dans le fond, ils ont juste mis ce règlement-là juste parce qu'ils veulent pas que les gens courent et se foncent dedans parce qu'ils sont trop énervés. Ben, c'est sûr. OK. J'essayais de trouver une autre raison. Non, c'était pas mal ça. C'était pour des raisons de sécurité. Courez pas autour de la piscine! L'affaire, c'est que le jeu, il était peut-être un petit peu trop facile, mais c'est ça qui rendait le truc le fun aussi, parce qu'on l'a réussi. Puis comme j'ai dit, il nous restait 5 minutes. Fait que pour jouer à la Switch. Ouais. S'il avait été juste un petit peu plus difficile, peut-être qu'on l'aurait pas eu. Ouais, ben évidemment. C'était quand même assez original comme truc, parce qu'il y avait une mécanique de retour dans le temps. Oh boy. Fait que là, à ce moment-là, on avait l'ocarina, puis les chapeaux rouges. C'est pas comme dans Ocarina, là, que quand t'es petit dans Ocarina of Time, t'as pas un chapeau rouge, mais là-dedans, oui. Fait que là, ce qui arrive, c'est que quand t'allais à des places avec ton chapeau rouge puis ton ocarina, ça voulait dire que t'étais petit. Fait que les personnes te donnaient pas les mêmes indices. Puis t'avais pas les mêmes permissions de rentrer aux places. Ah. Et là, on pognait des indices, puis il fallait y aller petit ou grand pour que ça marche. Mais tout était indiqué, il fallait juste avoir bien lu nos cossins. C'est pas pire. C'est quand... ouais. Ça a l'air quand même le fun. C'était assez intéressant. Juste pour l'aspect comme grandiose de la patente, là, parce que ça a l'air gros. Il y avait combien de staff? Je suppose à peu près une dizaine. Il y avait au moins une personne par station. Il y avait un présentateur. Il y avait deux navis qui nous donnaient des trucs. Genre, si jamais on était bloqué, là, c'était pas rare qu'il y avait un navi qui regardait où on était rendu. Puis si on avait l'air pogné, elle nous donnait comme un petit indice. Hey, listen! Ouais. Ben, à un moment donné, je sais plus si c'est Navi ou si c'est Chic, mais il y en a un qui est passé et qui nous a dit « D'après moi, vous allez pouvoir vous débloquer si vous vous tenez ici. » Fait que là, on s'est tous levés de nos places, on s'est mis où est-ce qu'il était. Puis là, on a vu qu'il y avait des objets sur notre table, que comment il était orienté, on voyait un indice qu'on n'avait pas vu. Dans ce cas-ci, c'était juste quelque chose sur le côté du cartable. T'sais, il aurait fallu comme prendre notre cartable puis le tourner, puis on aurait vu quelque chose. Ah, OK. Il y avait même la nappe de la table, elle avait des patterns avec des lettres, puis il y avait des choses à placer sur la nappe pour trouver les indices. Pouf! Puis nos feuilles, ils étaient à utiliser aussi en trois dimensions. Fait qu'entre autres, il y en avait une qu'il fallait plier. Puis il y en avait même une qu'il fallait briser. Détruire le matériel. Ouais. Fait que je sais pas s'il y en a qui vont le faire. J'espère que j'ai pas donné trop de spoilers là-dessus. Là. Dun, dun, dun. Ouais, puis l'astuce finale était vraiment cool. Genre, il y avait des affaires un petit peu scientifiques là-dedans. Fait que le truc, c'est que on n'avait pas pensé à ça, mais quand tu regardes quelque chose à travers une bouteille, c'est déformé. Fait qu'il y a un truc qu'il fallait nécessairement déformé avec la bouteille pour être capable de le lire. Fait que, tu sais, il y a des gens qui ont dû penser à ça, puis c'était absolument génial de voir qu'ils étaient allés jusque-là. Mm-hmm. Et comme de la technologie qui était cachée dans nos bouts de papier, que tu penses que c'est anodin, puis finalement, il y a quelque chose de caché. La technologie. Ouais, ne serait-ce que la réfraction des rayons de lumière dans une bouteille d'eau, là. C'est de la science. Ouais. Sweet. Il y avait une place où il fallait aller chercher la Master Sword. C'était comme ça l'objectif final, c'est pour réussir à battre Ganon. Puis j'ai pas pu m'empêcher de voir que c'est comme... Il y a beaucoup de monde qui finissait à peu près en même temps. Puis là, on arrivait à chercher la Master Sword. Puis si, en sortant, tu te revirais puis tu regardais, le gars, il y avait genre une caisse de Master Sword qui remettait une Master Sword dans le piédestal à toutes les fois. C'était juste quand même assez hilarant. C'est-tu à quoi ça me fait penser, ça? On m'a déjà raconté que il y avait certains MMORPG, je sais pas s'ils ont trouvé des techniques pour régler ce genre de problème-là maintenant, mais c'était... Je me souviens plus c'était lequel, c'était peut-être genre World of Warcraft au début. Tout le monde faisait comme les mêmes quêtes au même moment, puis tu pouvais juste parler au NPC de telle affaire une personne à la fois. Fait que t'avais... C'était comme, fallait que t'ailles sauver la princesse machin, là, mettons, là. Puis là, les gens faisaient la file pour aller sauver la princesse machin. Là, la personne qui écrivait le texte disait, on veut tous être le héros, puis le jeu te dit, genre, t'es le héros, tu vas sauver le monde, mais fais la file pour sauver le monde une personne à la fois. Tu es le héros numéro 249. Ting, ting, ting. Je pense que tu vas devoir rajouter 3 ou 4 zéros à ton chiffre. Ah, ça devait être la belle époque. Ouais. Avez-vous entendu parler du MMO où ils ont réussi à battre un boss imbattable? Fait que les développeurs, genre, ils ont fermé les serveurs pour pas qu'ils réussissent. Non. What? Je me souviens pas du nom du jeu actuellement, mais dans ce jeu-là, il y avait un serveur où les gens ne faisaient pas le jeu normal. Ils s'étaient volontairement bloqués à un certain moment de l'histoire pour monter leur personnage puis faire du PVP. Sauf que c'est un serveur comme Hardcore où est-ce que quand tu mourais, c'était pour toujours. Fait que là, il y avait des clans. Okay. Le monde, il s'entraînait. De temps en temps, il y avait des batailles. Puis quand le monde, il mourait, genre, il sortait pour toujours. Puis ouais. Les gens, ils étaient rendus vraiment très, très forts. Puis là, à un moment donné, je me souviens plus pour quelle raison, mais il est arrivé quelque chose, puis il y a une gang qui ont réussi à tout tuer les personnages parce que ce monde-là, il était genre vraiment fatigant, quelque chose comme ça. Puis ça a comme mis tout le monde ensemble, puis ils ont dit, tu sais, peut-être qu'il n'y a plus tant de choses à faire avec ce serveur, pourquoi on ne va pas battre le boss? Puis là, ils sont allés dans le fight, puis c'est un fight que tu es supposé de perdre. Mais le monde, il était juste trop fort. Oh, il était capable de le battre. Puis là, dans leur première tentative, au moment où ils ont donné le dernier dommage, les dudes qui manageaient le serveur, ils ont fermé le serveur. Parce que ils savaient pas quoi faire avec ça. C'est un serveur privé, genre? Ben... je sais pas comment ça marchait, mais non, c'était un serveur genre semi-public, j'imagine. Je sais pas, c'est comme... Mais ça devait pas être un serveur genre, officiel de la compagnie? Non, justement, je pense que c'était un serveur de la compagnie parce que c'est la compagnie qui faisait le jeu qui l'ont fermé. Oh. Wow. Mais ils l'ont pas fermé, ils ont juste comme fait... planté à ce moment-là. T'sais, genre, ils ont coupé la connexion puis ils l'ont rétabli après. C'est peut-être aussi que le boss, il était juste pas fait pour se faire battre puis que quand tu bats le boss dans le code, ça throw an error puis ça fait crasher le serveur. Ben, personne n'était sûr de ça. Fait qu'ils ont décidé de se remettre dedans puis de le battre une deuxième fois. Puis là, à ce moment-là, les développeurs les ont laissés aller jusqu'au bout. Puis malheureusement, qu'est-ce que ça a fait, c'est que le boss, il a juste genre arrêté de faire ses animations normales. Il est comme mort, mais il est pas mort. Il était comme là. Parce qu'il devait pas avoir d'animation mort. Non, c'est ça. Puis c'est comme, c'était comme soft lock, si tu veux. Le monde, il pouvait comme se promener, mais il était comme pogné. Fait qu'il y avait rien. C'est juste qu'on aurait dit que les designers avaient comme... eux autres non plus, ils savaient pas qu'est-ce qui était pour se passer. Fait que pour protéger le secret, ils ont genre tout coupé là, à la dernière seconde. Fait qu'après ça, la communauté était fâchée. Fait que là, ils se sont dit, on le refait. Puis ils l'ont eu une deuxième fois. Puis là, ils ont vu qu'est-ce que ça faisait. Ça faisait rien, mais tu sais, il y avait de quoi être fier. Je veux dire, c'est un jeu vidéo, hein. Des serveurs, ça tient par des miracles d'ingénierie. Genre, si tu fais pas attention, genre, tu sais, nous, on en fait des jeux avec des serveurs à job, puis du code de serveur, c'est compliqué. Il y a plein de logiques qui est mille fois plus compliqué que juste avoir un jeu ordinaire qui roule juste sur ta machine. Parce que là, il faut que le serveur, il synchronise avec tous les autres serveurs, parce que c'est pas vrai que tout le monde joue sur le même serveur. Même quand le dev, il te dit, genre, ah, tu joues... vous êtes sur le même serveur, t'es pas sur le même serveur. C'est pas comme la même boîte physique. En tout cas, si c'est ça, c'est un peu absurde. Impressionnant. C'est comme EverQuest. On est tous connectés sur Facebook, mais on n'est pas sur... genre... on n'est pas tous sur le même serveur. Fait que c'est comme les données se font propager d'une place à l'autre. Mm-hmm. D'un serveur à l'autre pour se rendre jusqu'à toi. Fait que c'est pas instantané, sauf pour genre, le chat, j'imagine. Fait que quand les MM. Puis des jeux vidéo, il y a encore plus d'informations vu que c'est real time. C'est genre chaque fois que tu fais une attaque, chaque fois que tu bouges, il faut que ça envoie des informations au serveur. Faut que le serveur reçoit ça, traite ça, envoie ça à tout le monde. Fait que. C'est pas surprenant que ça pète, que ça plante, que ça crache, que ça se propage pas, que l'information reste juste sur un serveur puis elle s'en va pas ses autres, puis ce genre de problème-là. C'est le fun des serveurs. Et par le fun, j'entends pas le fun. Compliqué. Donc, c'est ça, c'est dans le jeu EverQuest. Ah! C'est le boss s'appelle le Sleeper, Kira Firm. Non, et puis le monde n'était pas supposé le pogner. Ben, c'est le réveiller, c'est un événement qui arrive juste une fois dans une game, qui arrive juste une fois dans un serveur. Puis, je pense qu'à cause de la règle de permadeath de ce serveur-là, ils pouvaient pas, genre, aller le réveiller, parce que sinon, genre, tout le monde qui aurait été là serait mort. Fait que c'était stupide pour eux d'aller faire ça. Oh! OK, je comprends. Parce que dans l'histoire, quand tu vas là, tu meurs en réveillant, genre, puis après ça, ça change le serveur, puis ça devient d'autres choses. C'est ça, ça fait comme un story, puis genre, après ça, le jeu continue. Fait que toi, tu meurs, puis là, ben, le jeu continue, puis là, tu te refais un autre bonhomme. Mais là, parce qu'il y avait du permadeath, il pouvait bien y aller, mais il allait mourir, fait que... Hein, ouais, c'est ça. Il n'y allait pas. Fait que c'est que ça a l'air que sur tous les autres serveurs, là, il était déjà passé par là, puis tout le monde s'était fait battre en genre un ou deux coups. Mm-hmm. Tout le monde pensait qu'il était juste comme invincible. Mais le monde de ce serveur-là ont décidé de se mettre ensemble et d'essayer de le battre. Ben, ça c'est comme dans Spelunky, hein? Dans Spelunky, ouais. Quand tu restes trop longtemps dans le tableau, il y a un gros fantôme qui te court après, genre. Ben, il y a des gens qui ont découvert que ce gros fantôme-là a en fait, genre, 9999999 points de vie. Et donc, qu'il est possible de le tuer. Et là, évidemment, il y a des gens qui l'ont tué en l'amenant à un certain endroit puis en faisant une certaine réaction. Il me semble qu'il y avait de la lave puis de la... Puis là, il faisait juste comme le faire kiter dans la lave. Puis un moment, il finissait par mourir. Ouais. Les gens. Donc, c'est ça. Il y a quelqu'un qui menaçait tout le serveur. C'est une petite gang qui menaçait tout le serveur en disant « On va aller réveiller le dragon. » Fait que là, toutes les guildes se sont mis ensemble pour se dire « Ben, soit on tue tous ces gens-là ou soit on se met tous ensemble pour le réveiller, puis il nous donne un loot complètement pas de bon sens. Mais, tu sais, il n'y avait pas de loot, pas de bon sens. C'est pas réfléchi, là. Il n'y a pas de game designer qui avait prévu un loot. Aussi. Mais il ne savait pas. Juste le fait qu'il ait réussi à faire ça, c'est quand même énorme, parce que les designers ont mis un boss imbattable, puis les joueurs l'ont battu. Ouais. C'est pas comme si tu le fais tout seul... Après, tu sais, tu recommences des games, puis tu te pratiques, puis à un moment donné, tu l'as. Là, c'est comme un paquet de monde, tout coordonné en même temps, qui arrive là pour la première fois, puis qui se disent « Faut qu'on l'aille, on a une chance. » C'est complètement malade. Quand même. Les MMO, ça génère des histoires des fois. Ouais. Qui me racontait, genre, que... Quand il y avait des combats d'un groupe contre d'autres groupes, ou c'était un groupe contre un boss, puis là, les autres, ils voulaient pas qu'ils gagnent. Fait que là, ils allaient tout autour, puis ils dansaient pour faire laguer le serveur. Mais oui, y en a... Fait que t'avais comme 50 personnes qui essayaient de battre un boss, puis 300 personnes autour qui dansaient pour faire planter le serveur pour qu'eux puissent essayer de battre le boss. C'est comme... J'essaie de... C'est comme aller à la ronde, puis là, aller dans un manège, puis là, t'as plein d'autres personnes autour qui veulent pas que t'ailles dans le manège, fait qu'ils te pitchent de l'eau pour faire péter le manège ou pour que t'aimes pas ça, puis que t'arrêtes. Puis là, si tu t'en vas, là, eux, ils vont pouvoir rentrer dans le manège. C'est le merveilleux monde des MMO. C'est merveilleux pour vrai. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ce soir? Ben, parlant des MMO, c'est sûr que moi, je joue à FF14 depuis que l'expansion est sortie le 20. Fait que oui, parlant de lag de serveur, là, on a eu... il y a eu une attaque DDoS sur Final Fantasy XIV. Pourquoi? Je sais pas. Le jour de la sortie de l'expansion. Je comprends tellement pas, genre, qu'est-ce que le monde... C'est le MMO le plus casual qu'il y a pas, avec la plus belle communauté, genre. Pourquoi quelqu'un aurait voulu scraper ça? C'est quand même bizarre. Mais bon, il y en a partout des attaques en ce moment, hein? Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être... Puis il y avait des bugs très en partant, comme une des premières quêtes de la quête principale qui se poursuit. Les gens n'étaient pas capables de la faire parce que les serveurs n'ont pas été capables de prendre. Parce que quand tu vas dans un... Il y a comme des instances individuelles dans Final Fantasy XIV quand tu fais certaines missions. Donc là, le serveur n'était pas capable de créer des instances individuelles pour toutes les gens qui étaient là, qui avaient besoin de faire la quête en même temps, donc qui avaient besoin d'une instance individuelle en même temps. C'était vraiment trop, là. Je pense que c'est vraiment le plus populaire que ce jeu-là a été, peut-être, de toute son histoire, là. C'est vraiment un jeu qui a pas été très populaire au début, puis là, la popularité va juste comme en montant, là. Donc, je pense que là, parce qu'ils ont fait une patch qui est sortie tout en même temps, puis que là, tout le monde faisait les mêmes missions en même temps. C'est pas une patch, c'est une expansion, là. Ouais, ouais. C'est sérieux. Ouais, tout le monde a décidé de faire le même contenu en même temps, donc c'était trop d'instances à créer. Puis, ça a planté. Ouais, des serveurs. C'est ça que je disais tantôt. C'est des histoires de serveurs, ça. Puis, autant en tant que game designer, ça me fait tellement chier quand tu fais un design, là, puis là, tu dis, bon, là, je veux que le joueur puisse s'envoyer des messages dans le chat. Bon, puis là, ils disent, ouais, mais après combien de temps les messages sont délités? Puis moi, je suis comme, jamais. Je veux pas qu'ils soient délités. Je veux que quelqu'un qui arrive plus. Ah, ben là, non, là, on peut pas garder des millions de messages sur le serveur ouais. Tout le temps. Il faut que tu me dises quand est-ce qu'il faut les déliter. Je suis comme, ah, ben, délite-les après une semaine. Je suis comme, ouais, mais là, s'il y a un million de messages qui rentrent, là, on peut pas stocker un million de messages. Là. Fait qu'on va mettre une limite aussi en nombre. Fait que là, tu as une limite en temps et en nombre. Là, je suis comme, moi, t'as dit serveur. Mais justement, là, les serveurs sont beaucoup plus pleins qu'à l'habitude parce que là, il y a plein de joueurs qui retournent pour essayer le contenu, etc. Ben là, quand t'es AFK pendant trop longtemps, le jeu il te déconnecte. Mais il y a beaucoup de gens qui ont trouvé moyen de contourner ça en se mettant, par exemple, dans une cinématique, ça le faisait pas. Donc là, vu qu'il y a trop de gens qui ont utilisé l'exploit de genre, je me mets dans une cinématique, fait comme ça, je suis jamais déconnecté. Là, à cette heure, à tous les jours, il y a un wipe de serveur à la même heure. Fait que c'est juste, c'est un peu triste, là, mais à tous les jours, à 3 heures, il y a des messages partout qui disent « déconnectez-vous » parce qu'on déconnecte tout le monde dans 15 minutes, mettons. Hey boy. Puis ils wipent tout le serveur. C'est quoi, faut que tu te déconnectes puis tu te reconnectes dans 15 minutes plus tard? Ouais, ouais, ouais. Alors, laisser peut-être 10 minutes pour être capable de déconnecter absolument tout le monde, puis après ça, tu peux recommencer. Ils sont pas capables de... Mais je pense qu'ils sont juste pas habitués d'avoir autant d'achalandage, là. C'est comme vraiment inhabituel. Ils sont pas capables de le prendre. C'est comme un beau problème à avoir, mais... Ouais, c'est ça. Mais si t'as, tu sais, si tu l'avais pas vu venir, puis que là, t'as pas les data centers qu'il faut, ben... Oups. C'est comme Pokémon Go, hein, quand c'est sorti. Ah ouais. Genre, j'avais vu une conférence des devs, d'un dev de Pokémon Go, puis il disait... Niantic? Ouais. Il parlait, puis il disait, bon, ben, on avait estimé le nombre de joueurs qu'on allait avoir à peu près tant. Mettons, je vais dire un chiffre par rapport, là, mais mettons 100 000. Puis là, on a fait un estimé là, vraiment exagéré, genre le pire scénario, ah, il pourrait en avoir 500 000. J'imagine que c'était comme 500 000 connexions simultanées. Ouais, ouais, ouais. Puis en réalité, ils en ont eu comme 20 millions. Oui, c'est ça. Ils ont jamais vu venir ça, là. Les chiffres que je dis sont par rapport, là, mais ça donne une idée. Mais ils ont parlé récemment parce que les gens trouvent qu'ils font des updates vraiment pas assez vite, là. Le trading n'est pas encore implémenté, il manque vraiment plein de choses. Mais ils ont dit récemment en entrevue que depuis que le jeu est sorti, ils sont en mode éteindre des feux. Mm-hmm. Ils fournissent pas, là, c'est tellement pas une assez grosse équipe pour ça. Ouais, ils sont genre 15. Ouais, c'est ça, pauvre petit. Fait que. Pauvre petit, ils fournissent pas. De toute façon, même en sachant le nombre de connexions que tu vas avoir, là, des fois, c'est pas un bon move d'un point de vue économique de dire on va faire assez de data center parce que 2 mois plus tard, ils feront plus rien. Oui, c'est ça. Ben, je pense que c'est pour ça que Final Fantasy, tu sais, sont étonnés, mais comme ils font des. Dans le fond, c'est ça, ils font des méthodes pour éteindre des feux en ce moment pour s'assurer que le monde puisse le plus possible être capable de se connecter puis jouer. Mais ils savent que ça restera pas là. En pratique, ce que tu fais, c'est que maintenant, il y a des services de location de serveurs. Amazon étant un des plus connus. Tu peux faire même que ton code détecte qu'il manque de serveurs et là, automatiquement, en commande plus à Amazon. Genre, fait que là, tu scales à l'infini. Tu peux scaler à l'infini. Mais le problème, c'est quand même l'intelligence artificielle. Comment? Ces grosses compagnies-là, je ne sais pas si ça marche. Ah, absolument. Amazon est prêt à n'importe qui. Là. C'est comme si tu as de l'argent. Non, mais si tu as assez pour dire que tu vas rouler un MMO. Sûrement. C'est Google, c'est Amazon. C'est... Je veux dire, quand Amazon pète, vous le savez, parce que genre le trois quarts de l'Internet est down. Ouais. Amazon S3, là, c'est ça le nom du service, c'est S quelque chose, là, ils appellent ça S3. Quand ça pète, tout le monde le sait, parce que c'est arrivé là, une couple de fois dans les 3-4 dernières années. Puis, tu sais, il y a des journées, tu arrives, puis il n'y a rien qui marche, là, ben. Amazon S3 est pété. Puis là, ça veut dire quoi? Ça veut dire Kotaku ne marche plus. Tous les sites de jeux ne marchent plus. Google a de la misère. Ben, quoi que non, Google, d'habitude, sont assez solides. Mais Facebook rush un peu. Puis tout l'Internet chie. Parce que Amazon a juste des super bons serveurs qui ne coûtent pas cher. Puis tu peux aller à volonté faire. Tu cliques un bouton, puis là, pouf, tu as plein de nouveaux serveurs. Puis tu as ton code, il roule en parallèle. Puis ils ont des bonnes infrastructures pour distribuer ton code. Mais après ça, c'est pas de la magie. Là. Si ton code est mal fait pour parler d'un serveur à l'autre, ça fait. Mettons que tu dis genre, chaque serveur reçoit le message du joueur puis l'envoie à tous les autres serveurs. Bon. Si tu as 100 serveurs, ben, il l'envoie à 100 serveurs. Si tu as 1 million de serveurs, il faut qu'il l'envoie 1 million de fois. Fait que juste ça, ça prend du temps. Fait que là, il faut que tu fasses de l'optimisation pour dire, genre, OK, il va pas l'envoyer à tous les serveurs lui-même. Il va l'envoyer comme un noyau qui va, lui, le redistribuer aux autres. Puis là, t'as comme une espèce de hiérarchie de serveurs. Mais ça, c'est super compliqué à coder. Fait que... Mais c'est vraiment fascinant à quel point tu vas demander des affaires que, pour toi, c'est anodin, mais côté serveur, c'est super complexe, puis ça va te sortir ça en moins d'une seconde. Puis tu viens de recevoir une page qui est en Californie physiquement. Là. Non, mais c'est pire que ça, là, genre. Genre, moi, ces temps-ci, là, c'est peut-être à cause de la job, là, mais je suis tout rendu sur Google Maps en vue satellite 3D, là. Puis là, tu zoom out. Puis là, tu t'en vas à Paris. Puis là, tu zoom in. Ah, tiens, la tour Eiffel. Là, tu tournes autour. Là, tu fais du Google Street View un petit peu. Tu te promènes. Tu fais, OK, c'est cool, zoom out. OK, je m'en vais voir. Ah, ma soeur, elle m'a dit qu'elle était dans telle région. Zoom in. Puis zéro lag. Tout se load. Yo! C'est mon goal, la quantité de données qu'il y a sur la planète Terre pour faire rouler une affaire de même. Ils ont scanné la planète Terre au complet, puis ils ont ça dans des serveurs, puis ils te l'envoient comme si de rien n'était en temps, en 3D, en temps réel. Genre, what the fuck? Ouais, c'est assez impressionnant, j'avoue. Fait que moi, tu peux comprendre ma jalousie quand on me dit, genre, oh non, on peut pas stocker plus que 1000 messages sur le chat. Google stocke la planète Terre au complet. Ah oui, mais là, c'est Google, ils ont de l'argent. Les joies de travailler en jeu vidéo. Et à l'époque, dans la bande dessinée des Transformers, à un moment donné, ils ont mis Optimus Prime sur une grosse disquette en carton. Sérieux? Ouais. OK. On va juste imaginer, là, mettons Optimus Prime. Okay. C'est un robot. Mettons qu'on prend la technique simple, on le sépare en ses petites parties, puis on les transforme en bits. Fait que là, je sais pas comment de place ça peut prendre, mais mettons, on dit c'est quoi les atomes, puis c'est quoi leur position à chacun, puis après ça, on le compresse. Puis après ça, il faut que ça fitte sur... combien ça avait de place, ces disquettes-là? Une grosse disquette en molle, là? C'était 1.3 meg? Ah, molle, je sais pas. Non, les molles, c'était moins que ça. C'était genre 500K? 700K. Aïe, aïe. À peu près ça, 700K. 700K? Faut que tu rentres Optimus Prime là-dessus. C'est bien optimisé. Ouais. Des bons algorithmes de compression. Ouais, c'est ça. En réalité, ce que c'était juste... Ce qu'il y avait sur la disquette, c'était juste l'URL pour aller le redownloader sur le serveur de Google. Parce que l'URL plus, j'imagine, une bonne clé d'encryption, là, 700K, ouais! C'est ça! C'est pas mal tout ce qui rentre là-dedans! Ouais, fait que c'est ça. C'était bien bidonnant quand j'ai lu ça il y a quelques années. Parce qu'évidemment, on se faisait des petites lubies sur l'informatique. Là. Comme quand les gens parlaient des ordinateurs à ADN. Ce qui est ben, une chose c'est pas les ordinateurs qui vont avoir de l'ADN, c'est les c'est, voyons, c'est le storage, c'est le stockage. Ça s'en vient, ça. Ouais, ok, j'imagine que tu veux mettre l'information, mais c'est parce que c'est long aller chercher les trucs. Ah, ça se peut, ça, par exemple. Non, c'est juste que l'ADN, ça peut stocker vraiment beaucoup d'informations en très peu de place. Mais là, savoir si c'est rapide, par exemple, c'est une autre affaire. Non, en fait, c'est vraiment pas rapide. C'est ça l'affaire. C'est que nos processeurs, ils fonctionnent, mettons, en gigahertz. Ça veut dire qu'ils font des cycles de calcul plusieurs milliards de fois par seconde. Mm-hmm. Bon. Ben là, un ordinateur à ADN tel que qui était conçu quand j'ai lu là-dessus, lui, il fonctionnait en nanohertz. Fait que là, ça veut dire que faire une opération, ça y prenait un milliard de secondes. En fait, ça y prenait comme de 100 à 100 000 milliards de secondes. Hey boy. Ouais, c'était rapide. Ben, j'imagine qu'il y a du monde qui travaille pour rendre ça plus rapide, par exemple. Ouais, mais je suis pas trop sûr de qu'est-ce que ça nous donne si on a, en attendant, on peut juste écrire sur des disques magnétiques de plus en plus petits, là. Ouais, il y a ça. On s'en vient bien, mettons. Mais si on est capable d'écrire des bits, genre plus petits que la grosseur d'un atome, on est quand même pas pire. Mais on le défi est là. Ça? Ben non, probablement pas. Non, ça doit pas. Mais dans l'ADN non plus, ce ne sera pas plus petit qu'un atome, on s'entend? Non, c'est sûr. Mais c'est quand même pas loin. Parce que... je veux dire, c'est des petites molécules qui vont former chaque lettre. Là, fait que... Ouais, sauf non, que ta molécule, elle a, mettons que tu la mets à plat, elle a quelle hauteur? Elle a une hauteur de un atome. Ouais, si tu la mets à plat, ouais, peut-être. Parce que des nucléotides, c'est peut-être un peu... Ben, je ne suis pas sûr que c'est tant à plat. Non, c'est probablement pas si plat, mais une fois entortillé puis tout ça, on pourrait sûrement trouver un ratio puis dire c'est presque plat. Ouais, c'est sûr que... Ouais. Vous parlez comme si tu prenais ton filament d'ADN, tu le défilais, puis là tu le repasses avec un fer à repasser, puis là tu ouais. Dis bon, ça c'est le plus plat qu'on va réussir à aller chercher. Mais c'est parce que quand il est entortillé, les trucs sont tellement stack que c'est comme s'il était plat, parce qu'ils sont imbriqués un dans l'autre. Ils sont tous en tapon. Ils sont ouais. Plats, mais sont en étage, mettons. Man, comment un truc si gros peut, au final, être si petit? Ouais. L'ADN, c'est replié de je sais plus combien de façons, mais probablement au moins 4. Parce que, tu sais, il est tourné en spirale, la spirale est tournée en spirale, puis cette je nouvelle spirale-là est en spirale aussi. Je pense que c'est 4 niveaux de superstructure. Pouf! Ouais. Puis, ah non, l'ADN, c'est bien plus efficace qu'un zip, là. Puis si ouais, tu, probablement. Si tu désentortilles tout ça, ça mesure combien? Je me souviens plus. Genre une coupe d'atomes de hauteur, mettons. Non, mais en longueur, là. Je pense que tu fais le tour de la Terre avec genre. Ben, je veux dire, tu peux la faire la longueur que tu veux, là, mais. Le génome humain. Ce soir, on a juste une vie, on apprend des choses, telles que la taille d'une grosse disquette de 5 pouces molle. J'ai vérifié sur Google, j'ai vérifié, puis il semblerait qu'effectivement, c'est à peu près ça, 700K. D'ailleurs, il y a eu des formats optimisés où là, tu pouvais monter à deux fois ça. des grosses floppy HC. HC? Ouais, haute capacité, comme les cartes SD. Oui. Puis après ça, ils ont fait les grosses floppy en carton XC pour extrême capacité. Que là, eux autres, là, c'était tout juste si t'avais pas un meg, mais non, t'avais pas un meg. Ça, là, tu sais, quand l'informatique se met à inventer des nouveaux formats, ouais, c'est 3 ils font juste. Mètres. Combien? Excusez, apparemment que c'est juste 3 mètres. Ben là, c'est bien décevant. Ouais, mais c'est, ouais, c'est long. C'est 3 mètres, puis après ça, ça rentre dans 2 micromètres, là. Fait que, tu sais, c'est là que c'est impressionnant. Ouais, ça, Narf, c'est pour une cellule. Là, je pensais qu'on se rendait ça à la Lune, là. Non. Ben, avec toutes tes cellules bout à bout, on se rend à la Lune, je pense. Wow. Là, le truc, c'est qu'on va pas essayer ça avec tes cellules à soir. Ça nous les oui, parce qu'on a juste une vie, hein? Il y a ça aussi. Surtout toi, hein, de qui on prendrait toutes les cellules. Oui, c'est ça. Oui, c'est... Il faudrait toutes tes cellules. Ben, ça me dérange pas si vous commencez par d'abord enregistrer la position puis l'orientation de tous ces atomes-là, puis que vous mettez ça sur une grosse, grosse disquette. Là, pour pouvoir me reconstruire après, là, moi, ça me dérange pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, on n'apprend pas à reconstruire, là? Ah, ben là, je vais hésiter d'abord. Peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a juste une vie, on reconstruit Narf. Mais c'est sûr que cette semaine, on déroule Narf. Ça, on le réenroule. À quand la promotion chez Tim Martin? Déroule le Narf? Déroule la barre. Avez-vous vu les affaires de Tim Martin pour la fête du Canada? Non. Ça fait scandale en ce moment. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ils ont sorti des affaires spéciales, mais ils sont genre aux États-Unis. Pour que les États-Unis fêtent le Canada, genre les Tim Martin des États-Unis. Ils font un beigne à la poutine. Oh, il y a un cappuccino érable et bacon. Bon, gars, check, on va mettre ça bien au clair, là. Je pense qu'on est bien heureux que ça ne soit pas rendu au Canada, ces cochonneries-là. Moi, non. J'aimerais ça manger un beigne à poutine. Mais la photo, c'est comme un beigne avec genre de la poutine garochée dessus. Non, mais Blob, parce que ça, c'est le genre de choses que tu penses que c'est une bonne idée, mais que quand tu le fais, c'est comme non, c'était vraiment pas une bonne idée. Au moment où tu l'as dans ta bouche, t'aimerais ça pouvoir le ressortir, mais c'est pas très approprié en plein milieu du Tim Hortons. Genre. Oh mon Dieu. C'est le genre de bonne idée que genre le marketeur. Le marketing, ils font comme genre, ah, c'est-tu que c'est une bonne idée? Puis là, ils arrivent pour le faire, puis là, ils font. Puis là, le chef, il fait comme, vous êtes sûr, là? Oui, on va faire des millions de dollars. OK! Puis là, ils font, puis là, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça, finalement. Esti. Oh, man. Mais ça va tout leur donner une espèce de mauvaise idée de la poutine. Mais les Américains ont déjà une mauvaise idée de la poutine. Comment ça? C'est crissement dans leur corde? Ben, pourquoi? On va bien plus gras qu'il y a de la poutine. Ouais, je suis quand même d'accord. Mais c'est parce qu'ils ont comme pas la sauce brune, puis les frites, puis surtout le fromage. Ouais, c'est surtout le fromage. Ils font pas vraiment ça aux US. Il y en a un peu, là. Je veux dire, il y a de plus en plus des petites places qui font des affaires spécialisées, là. Mais le fromage en grain, c'est vraiment une affaire de Québécois. Ouais, ça, ouais. Je sais que j'avais déjà lu un article sur des Québécois qui essaient de se partir des restaurants dans d'autres pays, puis comme essayer d'importer du fromage en grain, puis qu'il soit assez frais pour faire squish-quish quand il se rend après genre 2 jours d'avion. C'est vraiment trop compliqué. Ouais, il le fera pas. Faudrait que tu le fasses faire sur place. Oui, c'est ça. Wow. Ouais, c'est... fait que souvent, il lâche prise parce que c'est trop compliqué d'avoir du fromage C'est pas le plus facile faire du cheddar. Faut que tu puisses replier tes slabs de pâte de fromage pour qu'ils s'étirent et qu'ils fassent les espèces de filaments. Puis... C'est pas juste un truc que tu peux faire cailler ton lait avec le bon ferment puis mettre du sel. Ouais, puis attendre, là. Ouais. Ouais, il y a des fromages qui sont plus comme ça, mais le cheddar est particulier, là. Comme le fromage que vous m'avez parlé l'autre fois. Le tortillon, j'en ai tellement mangé depuis. Pas moi. J'en ai trouvé une fois. Genre, j'ai parlé du podcast à un dude à job, puis là, j'y montre le site web, puis là, il regarde, puis là, il fait « Pourquoi il y a du fromage? » Puis j'étais comme « Parce que là, ils ont parlé de fromage. » Puis là, je disais « Ils m'ont expliqué, là, c'est quoi ça, du tortillon? » Puis il était comme « Quoi, tu connais pas ça? » Puis j'étais « Non. » Mais oui! Il dit « Ben, viens-t'en, on va aller au dépanneur. » Mais on n'est pas allé. Fait que je sais toujours pas c'est quoi. C'est vraiment salé. J'en ai jamais vu. Parce que j'ai acheté celui qui est au barbecue, tu sais, parce que c'est bon. Très bon. C'est encore plus salé. Maudit que c'est salé! Parce que saveur barbecue, ça veut dire salé avec de la fumée. Hein. Non, c'est pas plus salé. Tu peux avoir du barbecue que c'est juste les épices. Ah non, c'est aussi sucré en fait, souvent. Ouais, un peu. C'est meilleur quand c'est sucré. Et ça tache, sérieux, là? Oui! Du barbecue pur, là, c'est rouge vin. Puis là, un coup que tu l'as dilué dans ton fromage, pur. Ça tâche encore. Là, tu te rends compte que tu peux pas avoir du barbecue pur. Genre, c'est quoi ça, du barbecue? C'est tellement chimique. C'est la poudre de fausse goût de barbecue, pas bon. Mais non, tu peux. Il faut que tu prennes... Tu prends un fumoir ou un barbecue avec des vraies briquettes de charbon, là. Tu le réduis en une fine poudre, OK? Puis après ça, tu l'extrais avec de l'acétone. Hey boy! Puis là... Mais ça va être dégueu, ça va être juste tes briquettes. C'est bien plus que ça, la saveur de barbecue. Tu sais, des bonnes briquettes. Mais c'est une blague. Ah, OK! Je sais après ça, faut que tu passes dans un HPLC puis que tu trouves c'est quoi, genre, le poids exact du barbecue pour avoir comme de l'huile de barbecue raffinée. OK, là, je te suis. Tu la fais sécher par couche, par vaporisation. Ouais, là, je te suis, là. Oh my god, quand les deux scientifiques du podcast s'emballent. Le pire, c'est que c'est des vraies techniques pour faire des poudres. J'avais compris. C'est pas réellement extra de quoi de même. Je vais inviter le dos. On allait avec ça. Ah, ok, les inventions de Tim Hortons. J'ai vu les inventions de la Saint-Jean de Ubisoft, par exemple. Oh oui, moi aussi, je les ai vues. Hey, ils ont enlevé, j'ai essayé de les sharer après, puis je les ai pas retrouvés. Ils ont comme laissé sur le site juste le jour de la Saint-Jean, puis après ça, ils étaient plus là. D'accord, c'est que ils ont eux-mêmes refait des pochettes de leurs jeux les plus populaires pour les mettre, genre, je pense que, comment en québécois. Ça? Ils les ont comme trempés dans la sauce brune. Ah oui, oui, c'est ça qui est écrit, ouais. Fait que je sais pas si je vais me rappeler de toutes, mais ils avaient fait Far Cry 5. Comment ouais, ça s'appelait? C'était Gueule Loin 5, il me semble. Ouais. Far Cry, ça s'appelait Gueule Loin. Après ça, il y avait Watch Dogs 2. C'était Check les Pitous 2. Check les Pitous 2. J'ai bien aimé For Honor. Oui, OK. C'était pour la gloire. Gloire, G-L-O-U. E accent grave vers eux. Ouais. Gloire. C'est vrai. Ça, c'était cool. Puis, il y avait le jeu Just Dance 2018 qui s'appelait En Way Dance 2018. Évidemment, avec l'orthographe de En Way, E-N-W-A-I-Y. E. Voir que ça n'a pas été sauvegardé quelque part sur l'Internet, ça. Ben là, moi, je les ai gardés, mais... là. Ah. Je les ai sauvegardés, ouais. The Crew, c'était genre la gang. Oui, Anne-Marie. Là, voici ce que tu vas faire. Tu vas aller sur tu vas aller sur Imgur. Tu vas pogner tous tes fichiers. Tu vas les drag and drop sur le site de Imgur. Ça va te générer une galerie. Tu vas nous envoyer le lien ou le poster sur le Twitter de On a juste une vie. Puis là, on va s'occuper de mettre ça à la postérité. Ouais, ça, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça. Mais ça, là. On dit-tu vraiment ça, Imgur? Parce que moi, dans ma tête, ça se prononce Imgur. Oui. Ouais, non, j'entends du monde dire Imgur aussi. Mais ce que je suis pas capable d'entendre, là, c'est le monde qui dise des gifs. Ça, là. C'est une sorte de beurre de peanut. Hey, Narch, j'ai recommencé à écouter Idle Tom cette semaine, là. Puis là, t'as arrêté à cause de ça. Il me semble que c'est les autres qui disent GIF. Oui. Oui, hein, ils disent disent Avenger, ça c'est correct. Ils disent Stick Chief. Il y a plein de gens qui disent ça. Non, si tu veux être... Je pense que c'est une affaire de Ellie. Mais c'est Graphic Interchange Format. Non, c'est du Graphic. C'est du Graphic Interface. Du Graphic. Juste parce que le créateur des GIFs, lui, il dit ben, on prononce ça GIF. Ah, il a dit ça pour vrai? Ça vient de là? Ça a l'air que oui. Ah, on va prendre ça, c'est de ta part. Puis là, t'es comme, ouais, mais genre, c'est comme... Il y en a là, des fois des inventeurs de cochonneries qui donnent un nom de merde, puis que là, tout le monde fait comme, ton idée est bonne, mais on va pas utiliser ce nom-là. Non, mais c'est comme si l'inventeur du rouleau de papier de toilette, il avait dit, je me suis trompé sur mon brevet, faut que ça déroule contre le mur. Bon. On va pas commencer ce débat-là à soir. C'est un excellent point, ça, par exemple. Parce qu'on a juste une vie. On n'a pas assez d'une vie pour clore ce débat-là. Boy, non. Définitivement pas assez. Genre, y a-tu le camp des gens qui s'en foutent puis qui est du bord que tu l'as mis sur le rouleau? Non, tu dois avoir une opinion. Ouais, ben moi j'ai une préférence, sauf que j'avoue que de ce temps-ci, au lieu de défaire le petit barreau puis de le remettre dessus, je préfère le laisser sur le comptoir à côté. Ah. Le poignet dans mes mains. Il y a le monde qui le met aussi à la verticale sur le petit barreau, au lieu de bouger le petit barreau, il y a ce camp-là aussi. Oui, ok, c'est vrai. Mais ça fait un petit barreau suffisamment espacé du mur. Ouais, quand même, faut pas qu'il soit trop, ouais. Le mien, il fait un petit peu comme si j'avais mis des trop gros tires après mon char, puis il frotte après le mur un petit peu. Faut que t'achètes des moins gros rouleaux, là. Ouais, ben je pense que le petit stand, il est fait pour les rouleaux épaisseur chalet. Quoi? OK, d'accord. Ma blonde travaille à un endroit, et elle doit commander des fournitures comme du papier de toilette. Et la qualité chalet, c'est quelque chose qui existe. Oh, mais non, mais c'est parce que t'as pas de système septique dans ton chalet. Faut que ça puisse passer comme dans les toilettes chimiques. Faut que ce soit comme compostable. Fait que c'est beaucoup plus mince pis tout. Ça se peut-tu? Oui, mais c'est con, ça. Est-ce que tu vas juste en prendre plus? Mais c'est que, mettons, parce que mes parents, ils ont une roulotte, là, puis je sais que pour passer dans le système de fosse septique de la roulotte, ça prend un type de papier spécial qui est vraiment, genre, mince, puis qui bloquera pas les tuyaux. Fait que pour moi, c'est ça. Ouais, tu peux pas prendre, genre, du motonnel 100% 7 couches de soie, mettons. Là. Oui, c'est ça. Là, vous vous rendez compte que quand on va faire la liste des jeux mentionnés, ça va être genre... Final Fantasy XIV, pis après ça, y'a de la merde! Mais non, y'a pas de merde, là, on utilise du papier. Oh, ouais. On a parlé de Zelda au début. Oui. Ton Escape the Room de Zelda, sure. Sinon, on peut remonter dans le temps jusqu'au moment où on parlait de disquette, parce qu'il paraît que, je crois que c'est John Romero, la personne qui a conçu Doom. Oui, c'est la personne qui a conçu Doom. Je pense qu'il a mis en enchère genre 5 disquettes de Doom 2, si je me trompe. Oh my god! Pour à peu près 3 000 $. Il manquait de cash? Je sais pas trop. Peut-être qu'il y voulait juste plus, puis il s'est dit ça va faire des heureux. Mais c'est juste drôle parce qu'on avait déjà parlé à l'émission, ces disquettes-là, il n'y a probablement plus rien dessus. Il y a juste l'étiquette Doom 2. Probablement qu'ils sont démagnétisés à l'os. Avec le temps, ben oui. Mais. Il va avoir des acheteurs pareils. Mais tu t'en fous, là. Mais oui, c'est sûr. C'était les disquettes à Carmack ou à Romero. C'est les vraies disquettes. Il y a l'étiquette dessus, puis tout. C'est la disquette, même si elle est effacée, là. Faut pas que je dise ça à mon chum, il va dépenser nos économies là-dessus. Oh my god. C'est tellement son jeu. Fait qu'elles sont sur le marché. Wow. Là, ça a l'air de rien, là. On pourrait ne pas s'en douter... Vu à écouter. Un auditeur de notre podcast ce soir pourrait penser qu'on a joué à rien cette semaine. T'as dit que t'avais joué à plein de choses. J'ai joué à au moins 3 jeux. Là. Hey, c'est malade ça. Et ça n'inclut pas Heroes of the Storm. Hein. Sinon, j'aurais joué à 4 jeux. Wow. Ouais. Bon, on va commencer par quoi? Un petit compas compliqué, un beau Comme tu le sens. ou un bizarre? Toutes ces réponses. Mais lequel vous voulez en premier, là? Un petit pas compliqué, un beau ou un bizarre? Bizarre. Un bizarre. OK, on commence par un bizarre. Où est-ce que j'ai pogné ça? C'était sur Itch.io. Je sais pas pourquoi. Évidemment. Ouais, ben évidemment, ouais. Je sais plus C'est un bizarre. exactement pourquoi que je me suis dit, ah tiens, je vais jouer à ça, ni même comment je suis tombé dessus. Je pense qu'il était comme sur une vieille wishlist de Itch.io. J'ai dû lire à propos de ça, là, comme un an ou deux, puis là, j'ai. En tout cas. Tu l'avais mis sur une wishlist puis tu l'as oublié, c'est ça? Genre. Mais c'est gratuit. Ou en tout cas, non, je pense qu'il est devenu gratuit. C'est peut-être pour ça que je n'ai entendu parler. Ah, C'est peut-être. peut-être, c'était peut-être dans mon feed de Itch.io, parce que maintenant, tu peux suivre des jeux, puis là, ça te fait un feed. Ça te dit quand il est gratuit? Quand il y a des updates ou quand il y a des ventes. Ouais, ça devait être pour ça que je suis tombé dessus. Bref, c'était samedi, je pense. Samedi. Je suis tombé là-dessus. B-Swing. J'ai fait, bon, je sais pas c'est quoi. Ça a l'air cool. Je vais le streamer. Fait que je l'ai B-swing fait. comme une aile de bête ou comme un swing de type B? Non, comme une abeille qui se swing. Oh mon Dieu, ok. Je savais pas Wow, comment. il y avait un troisième sens possible. Mais oui. Alors, B-Swing est un genre de adventure game qui a de l'air comme dessiné en papier ou qui a l'air vraiment d'avoir été dessiné à l'aquarelle ou sur des bouts de papier ou sur des pages de calepin. Okay. Et avec un style graphique éclectique, parce que tu sais, c'est un style adventure game, tu te promènes, puis là, tu changes d'un écran à l'autre, puis chaque écran est comme une peinture différente, ou un dessin différent, ou une aquarelle différente. Fait que le style change pas mal. Donc, c'est pas un jeu 3D. Non, c'est en 2D. Que c'est l'histoire de. Mais c'est comme. J'essaye de dire c'est l'histoire de, puis je suis comme. L'aquarelle en 3D, on n'a pas encore inventé ça. Fait que Mais ça s'en vient. t'es un espèce de bonhomme. Tu sais, au début, je l'ai parti, puis j'ai fait OK, ça a l'air cool, je vais le streamer, parce qu'au début, ça ressemblait à Earthbound. OK. Fait que j'étais comme ah, ça a un look un peu Earthbound, mais pas en pixels, mais comme les bonhommes, ils ont le même genre d'animation. Puis fait que j'étais comme ah, ça a l'air cool, on va checker ça. Mais après ça change tout le temps. Fait que t'es un bonhomme, puis tu te promènes, puis là, tu parles avec ta mère, mais après ça devient rapidement comme tu te rends compte en fait que t'es un dude qui a l'air d'avoir comme 30 ans peut-être. Ok. 25 ans? C'est le jeu de Tingle, bref. Comment? C'est le jeu de Tingle. Non, non, non, non, non, non, non. C'est Sur les très, très manettes. réaliste. Ah, ok. Genre, le visuel est très, on va dire, je vais pas dire cartoon, mais je veux dire, il est dessiné à la main, mais de manière réaliste, mais Ok. brouillon. On va dire ça de même. Réaliste, brouillon, mais dessiné à la main. Puis tu sens, tu vois les coups de pinceau puis les traits de crayon, genre. Pas du pixel art. Fait que c'est très pas jeu vidéo. Mais, puis, tu sais, les personnages te parlent toutes, là, genre de. Tu te promènes dans son village. Puis là, tu te rends compte, en fait, c'est ça. Tu te rends compte que c'est probablement un jeu autobiographique, peut-être, Oh. qui parle de son village. Puis ça a l'air de se passer dans, genre, village européen, peut-être genre Islande ou je sais pas, peut-être au Groenland. Quoique qu'il n'y a pas l'air d'avoir bien du monde là-bas, là, mais. Je sais pas, il y avait certains personnages qui avaient l'air un peu genre viking moderne ou Ok. de. Comment que. J'essaie de trouver un bon exemple. Kurt Cobain, mettons. Blond. Ouais, trop blanc. Ouais. Puis tout le monde te parle, genre. Moi, c'est ça le feeling que j'ai pas compris vraiment c'était quoi l'histoire. Je sais pas si je l'ai fini. Je pense pas que je l'ai fini, mais je me disais que j'avais pas mal fait le tour. OK. C'est-à-dire que j'ai visité tous les endroits. Après ça, j'imagine que j'aurais pu comme faire un peu de back and forth pour finir. T'as comme une liste de choses à faire qui devient avec les items qui se barrent au fur et à mesure que t'es fait. Okay. Mais genre, si c'est ça le but, j'étais comme OK, mais peu importe. Mais c'est surtout genre juste de parler avec tout le monde, puis ils te racontent tout comme leur vie, puis leur quotidien, puis ils vont te raconter des histoires, puis des fois, t'as un petit bout de légende, puis tout est vraiment là dans le... J'allais dire le quotidien, mais plus... Moi, le feeling que j'avais, c'était vraiment le temps. On sent la présence du temps qui avance tout le temps. Fait que les gens vont te parler de naissance, de grandir, de vieillesse, de mourir, de... Puis comme c'est un village que les gens ils ont l'air d'avoir beaucoup de temps libre, c'est comme les gens ils chillent sur le bord de la route à regarder les arbres, mettons. OK. Puis fait qu'ils ont beaucoup de temps à passer à être dans la nature puis juste à regarder. Puis tout ça dans une ambiance de musique folk, ambiante, acoustique. Des fois, il y a un peu de chant. Genre, la toune du menu, j'ai l'impression que c'est comme le créateur du jeu qui chante avec son enfant qui doit avoir 5 ans. Fait que tu sais, les deux, ils chantent pas égal, vraiment. C'est un peu tout croche, mais c'est cute. Oh. Puis, en tout cas, c'était spécial. Ça m'a pris quoi, une heure faire à peu près le tour. C'était gratuit si tu le jouais sur le site web de Itch.io. Sinon, c'était genre comme 3 piastres, gros max. Hein. OK. Ça s'appelle B-Swing, comme B-E-E-S-W-I-N-G. Et j'imagine qu'il y avait des abeilles dans l'histoire? Non, non. Okay. J'ai pas compris le lien. Ah. Il y a peut-être à un moment donné quelqu'un qui parle d'abeilles, mais je me souviens plus trop. C'était assez spécial comme expérience. Fait que tu sais, comme, si c'est pas votre genre, perdez pas de temps là-dessus. Mais si vous êtes un peu intrigué, sure, essayez-les. Fait que ça c'était l'air intéressant. Truc. Ça a l'air très autobiographique, effectivement. C'était... Oui, puis ça faisait changement. Tu sais, beaucoup de ces jeux-là sont faits très... pixel art, rétro, je pense à... Ou cartoon, mais cartoon... Je pense à Undertale, je pense à Always Sometime Monster, je pense à... Toutes ces choses-là. Ou, mettons, To The Moon, genre fait en RPG Maker, mais là, ça filait pouf comme ça. C'est peut-être fait dans RPG Maker, mais... Mais ça paraissait... Revampé, genre. Mais probablement pas. Ça devait être Game Maker ou Unity. En tout cas, peu importe. Parce que, justement, quand tout est à l'aquarelle, comment tu peux savoir quel engin qui fait rouler ça? C'est vrai que c'est touché. Fait que ça, c'était le truc bizarre. Moi, je sais que tu as joué à Abzu. J'ai joué à Abzu. Et je vous ai envoyé... Je l'ai streamé, ça aussi. Puis je vous ai envoyé l'extrait, je pense, hein, de ma découverte. Ouais. Qui m'a rendu heureux. Est-ce que vous l'avez vu? Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai juste vu le truc de Mola. Oui! Oui! De Mola Mola. À un moment donné, il y avait des Mola Mola. Moi, j'ai rien vu. J'avais comme le goût de jouer, mais quand j'ai regardé le trailer, j'ai fait comme, voyons donc, c'est donc bien pareil comme Journey. Comme ah ouais, vraiment, vraiment pareil. La musique, elle ressemblait. Le feeling, il ressemblait. Bon. je veux adresser ton point, parce que je pense que c'est important. C'est pour ça que je le sortais, mais peut-être tu veux parler d'autre chose avant. Mais c'est ça. Je vais juste mettre un peu de contexte, OK? Blob a raison. C'est comme Journey, mais sous-marin. T'es un plongeur. Tu te promènes dans l'eau. Puis là, il y a des poissons. Puis là, t'explores. Puis là, t'avances, tu progresses comme ça. Puis ça te donne une histoire. Genre. Et c'est un beau voyage sous-marin. Puis c'est full fucking beau. Genre, oh my god. Je me disais, j'étais comme, est-ce que Journey était même beau de même? Parce que Journey, c'était beau, mais là, ça, c'était comme... Ça rivalisait solide. Donc, ça, c'est ce que tu fais dans le jeu. Tu te promènes, puis tu vois des poissons, puis il y a certaines choses que tu peux faire pour faire que c'est un petit peu un jeu vidéo, mais grosso modo, tu te promènes, puis là, tu fais sortir des poissons, tu mets ça beau, puis là, tu passes à la zone suivante. Mon Dieu, c'est tellement réducteur! C'est tellement réducteur quand tu le dis de même, parce que c'est comme... En fait, le voyage que tu fais, c'est dans tes émotions. C'est ça. Bon. Cela étant dit, Blob, t'as absolument raison. Ce jeu-là, c'est Journey, c'est Flower, c'est... C'est même la musique. Ça, je sais pas. Je pense que la musique, c'est la seule affaire qui filait un peu différente, parce que la musique de Journey, elle te reste dans la tête parce qu'il y a des thèmes vraiment forts. Okay. J'avais pas ça dans Abzu. C'est peut-être juste la musique du trailer. Je sais pas si c'est la musique du jeu. Peut-être pas. C'est parce que la musique de Journey, c'est comme le même thème. Il y a comme deux thèmes qui sont répétés tout le long du jeu, genre. De différentes manières, mais c'est comme les mêmes deux thèmes. Ou trois thèmes, là, peu importe. C'est comme écouter Le Seigneur des Anneaux. Là. C'est tout le temps la même tune, tout le temps. Puis c'est pas mauvais, c'est très cool. Abzu, c'est juste pas comme ça. Ils ont pas fait de même. Fait que, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bon? Ben, je peux pas le dire. Mais pour répondre à ton point, okay. Donc, est-ce que c'est pareil comme Journey? Est-ce que c'est la même structure? Oui. Est-ce que c'est mal? Non. Est-ce non. Que c'est plus de Journey, ouais. Est-ce que c'est full beau, c'est une full belle aventure? Oui. Est-ce que c'est génial, puis beau, puis émouvant? Ouais. Est-ce que c'est aussi touchant que Journey l'était? Peut-être pas. Mais ça a quand même ses beaux moments, vraiment. Tu sais, genre, j'écoutais le stream, puis genre, je souriais de me voir réagir aussi positivement et souriant que ça. Genre, le bout que je vois les mola-mola, j'étais comme trop content. Puis c'est parce qu'on a tellement parlé de Survive Mola-Mola sur ce maudit podcast. Mais c'est un poisson magnifique aussi, là. Ouais! C'est énorme, en plus. Pas tant, ça meurt à rien. Mais pour vrai, là. Ben, apparemment que oui. Plus ou moins. Mais comment ils font pour devenir aussi gros d'abord? C'est ça, c'est ils font juste se manger, je pense. C'est les rares qui survivent qui deviennent gros parce qu'ils sont chanceux. Il me semble qu'on avait regardé ça puis c'est réellement des poissons qui mouraient avec une pichenote, genre. C'était surtout qu'ils pouvaient pas vraiment tourner, fait qu'ils se coinçaient. Ah, oui, ça se peut. C'est ça la bullshit de ces poissons-là. Puis d'ailleurs, c'est ça, je joue au jeu. Tu sais, les poissons, tu peux les attraper, genre. Ben, pas les attraper, mais tu peux comme t'accrocher après. Puis quand tu t'accroches après, tu peux comme les conduire. Cool. Conduire. Tu comme les contrôler. Phase de véhicule. C'est un jeu vidéo. puis là, genre, ma réaction dans le stream, puis je sais parce que je l'ai réécouté quand je vous l'ai renvoyé, là, pour retrouver le bout. Mais ma réaction, c'était vraiment comme, ah ouais, est-ce que je... Un mola-mola, cool! Est-ce que je peux l'attraper? Oh oui, trop cool! Est-ce que je peux... Puis là, j'étais comme, oh non, non, non, non, non, non. Oh là là, c'est quoi cette bullshit? Le mola-mola tourne sur une dizaine. Ah ben non, là. Justement, c'était ça la caractéristique des mola-mola, c'est qu'ils tournent pas. Ils sont pas capables. Puis là, ça aurait été mieux si t'avais fait comme, ah, oh, je peux-tu le pogner? Oui! Puis là, il meurt. C'est ça. Tu veux juste aller en ligne droite, puis tu rentres dans quelque chose, puis tu perds tout. Oh, man. Non, il n'y a rien qui meurt dans ce jeu-là. Tu fais juste y toucher, puis pouf, il flotte vers la surface. Oh, petit. Ouais. Fait qu'il y avait ça. Fait que, non. Fait que c'est quoi? Abzu, c'est ça. C'est un jeu que c'est le fun de s'accrocher après des poissons, faire « Wouhou! » Parce que c'est vraiment le fun. Genre, dis de même, tu fais comme « Ben là, c'est niaiseux. » C'est comme « Non! » C'est juste c'est le fun. Puis c'est beau, puis il y a plein de poissons, puis les décors changent vraiment beaucoup d'un chapitre à l'autre, parce que c'est vraiment un jeu, il est en 5-6 chapitres. Puis... Oh. Oh, ça a l'air cool. Non, c'est pas mal cool. C'est ça, c'est comme... C'est... Journey, ça finit dramatique, puis genre, tu pleures à la fin. Là, t'as pas ça dans Abzu. T'as-tu une fin? Ou tu fais juste te promener à l'infini? Ah okay. Oui, il y a une story, comme je te dis. OK, il y a une story, puis tout. Okay. Gabin, Anne-Marie, on va pas... Vous avez joué J'ai à Flower? J'ai pas joué à Journey. Ah, OK. Vous avez joué à Flower? Oui, mais je l'ai pas fini. Je trouvais ça un peu toujours pareil. Quand même. Flower, ça se finit en une heure. J'ai pas joué. J'ai joué à Proteus. C'est le seul de cette compagnie-là que j'ai fait. Mais ce Proteus, c'est pas eux qui l'ont fait. Non. Hein? C'est ben pas oui. grave. Proteus, c'est vraiment cool. Pour vrai? Oui, mais c'est pas That Game Company qui l'a fait. C'est pas assez polished. Ça aurait paru. That Game Company, ils font des produits comme... Super, comme, flatté. That Game Company, ils ont fait trois jeux. Ils ont fait... ils ont fait Flow. Ouais. En version Flash. Là, après ça, ils ont eu le contrat avec Sony. Ils ont fait Flow HD, je pense, qui était comme... Ils ont refait le jeu au complet. Ils ont rajouté plus de contenu. C'était sur PlayStation 3. Après ça, ils ont fait Flower, puis Journey. Je pense qu'après ça, la compagnie a arrêté. Ils ont-ils fait d'autres choses après? Je les ai pas suivis, mais ce que je sais, c'est que le président s'appelle Genova Chen, puis il avait fait d'autres projets avant, comme Cloud Game. Oui! J'ai joué à ça. Puis c'était super cool, ça. Ouais, j'ai la suivi aussi. Et ça, c'était indie avant le temps, là. C'était ouais. solide avant le temps. Et depuis Flower, ils font des jeux très, très, très flattés, donc... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de budget, mais en même temps, comme il n'y a pas tant de contenu que ça, peut-être que c'est une petite équipe quand même qui l'a fait. Je pense qu'en fait, Abzu, là, je pense que c'est comme une partie de l'équipe de That Game Company. Ça se pourrait. Fait que, tu sais, c'est pas... Puis comme... Donc, ce que j'allais dire, c'est que ces jeux-là, là, si vous avez joué à Flower puis à Journey, vous allez tout de suite comprendre la structure. Voici la structure d'un jeu de That Game Company. Et donc aussi la structure de Abzu. C'est comme un jeu de genre. Ouais. C'est comme le film de zombies, ils sont un peu tous pareils, mais en même temps, ils font leur truc. Ben là, ça, c'est comme si c'était un journey. Alors, vous voulez... On a juste une vie, on va vous apprendre la recette. Vous voulez faire un jeu comme Journey ou Flower ou Abzu? Voici la recette. Premier chapitre, le bout de la découverte. Là, c'est là que tu apprends les contrôles, fait que c'est bien beau... Puis ça, tu te promènes. Puis c'est super beau. Après ça, deuxième chapitre, le bout où ça va vite. Là, ça se met à aller vite. Puis là, ça va vite. Puis là, ça fait wouhou. Puis là, t'es comme dans une montagne russe. Puis là, ça va vite. Puis là, c'est full beau. Vous allez voir, full beau, c'est comme une. Ça revient souvent. c'est full beau. Puis là, ça va vite. Fait que là, t'es comme sur un high d'énergie. Troisième chapitre, on introduit de quoi de méchant. Peu importe ce que c'est. Là, et c'est full beau. On introduit des méchants. Non, là, ça devient tout noir. OK, c'est laid. Tout devient gris. Là, c'est pas beau. Là, t'as peur, puis là, t'introduis des méchants, puis là, c'est dark. Là, t'as un affrontement final où ça va vraiment mal, puis là, t'es comme, ça va vraiment pas bien, il y a comme une grosse épreuve, puis là, tu meurs presque, genre... Et là, dernier chapitre, la renaissance. Là, ça va vite, c'est plein de couleurs, ça c'est ultra joyeux parce que là, t'étais sur un gros down. Là, c'est comme le gros climax et le jeu se termine. Merci, bonsoir. Voici. Ils sont tous de même. C'était la recette pour faire des... C'est ultra simplifié puis réducteur du même. Mais quand tu... Mais tu sais, je jouais à Abzu, puis j'étais comme... Puis même je jouais à Journey après avoir joué à Flower, puis j'étais comme... Ah ouais, je jouais, c'est la même affaire. Mais c'est pas grave! Genre, who cares? C'est comme regarder un film d'action, c'est comme regarder James Bond. James Bond, au début, qu'est-ce qu'il fait? Ça commence, il y a une scène d'action. Après ça, là, il se fait donner sa mission. Il rencontre une fille. Là, il couche avec. Là, c'est sûr que c'est la méchante. Il apprend que c'est la méchante. Il se fait avoir. Là, il est dans la marde. Puis là, il fait le combat final. Et là, il triomphe après avoir été dans la marde. Et là, il couche avec l'autre fille. La bonne fille. Voilà. James Bond, c'est la même recette. J'en ai tellement pas vu beaucoup, mais ceux que j'ai vus, effectivement. Les films, genre, qu'est-ce qu'on pourrait nommer d'autre? Le meilleur, c'était GoldenEye, par exemple. Toutes les Batman, c'est la même recette aussi. C'est tout le temps ça. Le héros, au début, il commence, là, il se fait donner sa mission, là, il essaye de la faire, là, ça va un peu bien, ça va bien. Là, après ça, il se plante vraiment solide, puis là, il se relève. D'habitude, là, c'est le moment où il y a un autre personnage secondaire qui meurt. Puis là, il va faire le combo ultime. C'est le climax. Il triomphe. Et là, tout le monde est content. Voilà. Mais dans Batman, t'as tout le temps des flashbacks aussi. Faut que t'aies des flashbacks. Ah, peut-être. Habituellement, ça prend le flashback au début qui t'explique comment Batman est né. Parce que personne le sait. Tu sais, personne s'en rappelle jamais. Non, on sait comment il est né. On sait juste pas comment que ses parents ils sont morts. Comment ils sont morts déjà, ses parents? Est-ce que Batman est un orphelin? On va remontrer ses parents. Ce qui me rappelle ce mime d'un petit enfant avec un fusil dans ses mains. Puis là, c'est écrit « Quand tu vas être Batman, quand tu vas être plus grand. » Puis là, tu te rappelles qu'est-ce que ça l'implique. Oh! Oh! C'est ça. Ilalalala. Alors, mais je suis pas sûr que je suis d'accord. Je trouve que les films de Batman sont quand même assez différents. J'aurais de la misère à trouver vraiment une structure dedans. Ben, parce... C'est parce que c'est la structure de tous les films de cinéma. De qui ont le monde qui font des éléments narratifs à avoir des éléments déclencheurs. Tu sais, c'est tellement prévisible. Mais oui, mais c'est lui, il va avoir une situation, puis un moment donné, il va comme arriver de quoi, c'est con. Mais genre, tu sais, on dit ça, mais genre, on est allé voir Wonder Woman l'autre fois, puis c'est la même structure. On a vu. C'était pas très bon, d'ailleurs. Ah, c'était bon, c'était drôle. La fin était bonne, mais le premier deux tiers était cool. Puis après ça, c'était le combat final. Puis ça, ben, c'était un combat final, comme d'habitude. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un film qui avait une espèce de vocation d'être un petit peu féministe. Puis il y avait trop de personnages masculins qui parlaient sans arrêt. Puis Wonder Woman faisait la conne de service. Ah ouais. Ouais, l'histoire n'était pas tant à propos d'elle, finalement. C'est juste qu'elle sauvait le monde, mais... Oh. On pourrait en débattre. Ouais, je pense que je sais pas à quel point tu te rends compte ou tu te rends pas compte de combien il y avait beaucoup de personnages femmes dans ce film-là comparé à un film d'habitude. Il était là au début puis il faisait rien. Puis après ça, il y en avait deux. Il y en avait deux? C'est-à-dire le personnage principal, mais qui est quand même un petit peu secondaire à cause que le gars, il est là pour tout y montrer la civilisation des hommes, fait que c'est lui qui parle le plus souvent. Et la secrétaire. Ouais. Donc, c'est ça. Pour ceux qui ont vu le film, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété quand je l'ai vu. Je peux aussi le voir souvent comme étant lui qui explique les choses, puis elle qui dit « Pourquoi tu m'expliques ça? Je le sais. » Mm-hmm. Pourquoi tu essaies de me protéger? Je me débrouille. Genre, laisse-moi faire. Ah, pis c'est trop obvious, quoi. Fait que... Oui, mais t'as raison quand même. Là. Je dis pas que t'as entièrement tort. Je pense qu'on a c'est comme les deux, tu peux le voir des deux manières. Tu peux le voir comme étant, oh wow, c'était vraiment avant-gardiste et progressif, féministe et tout ça. Ou tu peux faire comme, non, c'était un film hollywoodien. Puis genre, oui, c'est un film hollywoodien quand même. C'est ça l'affaire. Mais genre, comparé à la moyenne, c'était comme tellement plus que d'habitude. D'habitude, dans les films hollywoodiens, là, t'as comme peut-être deux personnages féminins. Ouais. Puis souvent, ils se parlent pas. Puis quand ils parlent, ils parlent de gars. C'est le fameux test de Bechdel. Ça ne tournait pas autour de ça. Tellement. Mais bon, on n'est pas un podcast de film. Ça me dérange pas d'en parler. Non, moi non plus. Mais d'un autre côté, je me dis, on l'a chacun vu une fois, on n'était pas les plus experts pour vraiment démonter puis remonter ce film-là. Mais, je pense qu'on pourrait... moi ma conclusion, c'était que de tous les films de super-héros que j'ai vus, sauf peut-être comme les Batman de Nolan, puis encore, sont pas toutes. C'était comme un bon film de super-héros avec un personnage qui est intéressant pour une fois. Parce que j'en ai écouté genre Mr. Strange, Doctor Strange l'autre fois, puis genre, ok, les effets spéciaux étaient beaux, mais à part ça, c'était un dude. Là. Tu devrais écouter Captain America à la guerre civile. À part le fait que, tu sais, d'un point de vue féministe, c'est que une romance de gars avec genre son ex qui est aussi un gars. C'est comme si Iron Man, c'est le nouveau meilleur ami. Là. C'est comme si c'est sa nouvelle femme. Puis là, il y a son ex qui est son ancien meilleur ami. Là, puis comme sont en compétition. Puis c'est ça qui fait que tous les super-héros se battent. Mais le fond de tout ça, c'est que c'est un film de super-héros sur les conséquences. Ça, c'est les super-héros qui sont obligés de faire un accord international pour dire qu'ils vont arrêter de s'ingérer dans tous les pays pour faire qu'est-ce qu'ils veulent. Puis il y en a qui disent d'accord, puis il y en a qui disent non, on signe pas. Évidemment. Tout ça, c'est à cause de gens qui sont morts à cause d'eux. C'est un plutôt bon film. J'ai bien aimé ça. C'est comme un bel équilibre entre tout le monde se tape d'en face et on va réfléchir à la situation. Bref, je vais écouter le nouveau Ghostbuster avec les femmes. Puis on pourra en reparler. Peut-être que ça va être meilleur. Je sais. Ouais, les critiques là-dessus, c'était moyen, ça. Ça dépend. Est-ce que c'était des critiques ou des critiqueux? Des critiqueux. L'idée, c'est que si tu réécoutes les deux premiers Ghostbusters, ils ne sont pas nécessairement meilleurs. C'est juste que... Moi, on m'a toujours dit... Moi, c'est ça. Je l'ai peut-être déjà dit dans le podcast, alors désolé si je me radote, là, mais... On m'a toujours dit, ah, Ghostbusters 2, il est tellement pas bon. Le 1, il est tellement meilleur. Il est tellement bon, puis c'est tellement bon, puis drôle, puis tout. Fait que là, j'étais comme, ah, ben, j'ai dû voir le 2, hein? Parce qu'il était vraiment pas bon. Puis là, je vais écouter sur Netflix le 1, là, comme ça, je vais... Non, celui que j'avais vu, c'était le 1, puis juste pas bon. Je pense que les gens ont un souvenir de ce film-là, puis genre, c'est juste un film... Genre, il y a quelques bons gags au début, après ça, c'est comme plein de jokes macho, puis... Ouais, le personnage principal est assez dégueu. Raciste. Bill Murray, il jouait souvent ces personnages-là. Comme vraiment macho, pas le fun, genre pas attachant. Genre Han Solo. Je pense qu'Han Solo a une manière d'être attachant pareil. Mais pas les personnages de Bill Murray, comme dans ce film-là, et dans Le Jour de la Marmotte, où est-ce qu'il joue une espèce de... hautain, misogyne un peu. C'est un stalker. Ouais, puis qui est supposé de apprendre au courant du film que c'est la tendresse puis tout ça. Hein. Ouais. Genre, c'est jamais quelqu'un d'aimable. Mais dans Osmosis Jones, un petit peu. Mais là, on est comme à des années-lumière, puis tout le monde a oublié ce film-là. Non, mais on parlait... Tu sais, parce que étant donné que j'écoute comme... 3 films dans une année, quand on est généreux. j'ai réécouté Casper. Parce qu'on parlait de Ghostbusters tantôt, puis il y a un des Ghostbusters qui est dans Casper pendant, oh, il dit une phrase, peut-être deux, puis il se sauve en courant. Puis c'est quoi c'est genre, le seul, c'est genre le seul pas connu des Ghostbusters, là. C'est comme, c'est pas... Le noir? Non, c'est pas le noir, c'est pas Bill Murray, c'est pas le scientifique, c'est le quatrième. C'est Dan Aykroyd? Peut-être. Il est très connu, il jouait souvent avec Chevy Chase. Je sais pas c'est qui dans lui non plus. C'était le gros, mettons. Oui, c'est ça. Il faisait le gros. Eh bien il était dans... Le film, c'est juste des stéréotypes. Il jouait dans Casper. Puis Casper, là, ça l'a bien vieilli, quand même. Mais je me souviens pas qu'est-ce qu'il fait dans ce film-là. Il dit une phrase, ça a-tu rapport avec Ghostbusters? C'est-tu un bon gars? Quand il... Dans Casper? Ouais. Ouais. Justement, c'est parce que c'est pour te dire à quel point les trois méchants fantômes dans le film sont tellement haïssables pis méchants que genre même lui, il se sauve en courant en disant... Pis qu'est-ce qu'il dit? Genre, je pense que c'est ceux qui l'ont appelé, ils demandent « Mais là, si même toi, tu peux pas, qui qu'on va appeler? » Pis là, il répond « Quelqu'un d'autre! » Ouais. Fantastique. Fait que ouais, le gars, il mange pied. Mais j'ai vu ce film-là plusieurs fois, mais comme j'avais pas vu Ghostbusters, j'allumais pas. Ouais. C'est tout à fait délicieux comme gag. Moi, j'ai apprécié ma réécoute de Casper. Genre, j'étais comme, ah, ça me rappelle... Est-ce que c'était purement nostalgique? Je pense pas, parce que d'habitude, quand j'écoute des trucs que j'aimais quand j'étais petit, aujourd'hui, je suis plutôt du genre à faire, bah, ça a donc bien mal vieilli. Alors que là, Casper, j'étais dedans, là. C'est une belle histoire, puis tout. Il y avait un soupçon d'authenticité dans ce film. Anyway, on n'est pas là pour parler du premier film avec un personnage principal en image de synthèse. Hein? Parce que c'était ça. C'était ça. On est là pour parler tellement jeune quand j'ai vu ça. Là, je m'en rappelle vraiment pas tant que ça, parce que... Tac, je n'avais pas de vieille. Genre, alors que moi, c'est fou comment, en le réécoutant, j'étais comme « Hey man, je me souvenais de ça. Ah, je me souviens de ça. » Genre, c'était quasiment au point où j'étais comme... Ah, cette toune-là, je la reconnais, genre j'ai dû l'avoir de poignée dans la tête pendant des années ou whatever. En même temps, tu regardes ça puis tu dis premier film avec un personnage principal en image de synthèse, on n'ira pas trop difficile, on va faire un personnage qui interagit pas beaucoup avec les objets réels. Un fantôme! Oui, non, c'était un bon choix. Comme voler partout puis toucher à rien, passer à travers les choses. Parfait. Mais c'est surtout que si tu regardes le film, surtout c'est plus facile quand tu l'as déjà vu, là, mais en t'imaginant que le Casper, il est pas là, fait que les acteurs, ils sont... Il y a des petites scènes où tu vois, tu fais comme « Ah, ok, là, je l'ai vu, là, les fantômes sont pas là, fait que vous faites juste semblant. » Mais genre, la petite fille, là, est-ce qu'elle est bonne? Elle l'a trop bien. C'est elle qui jouait mercredi dans La Famille Adams. Je pense qu'à 19 ans, elle avait déjà 19 films de fait. Pour vrai? C'est la même actrice? Ouais. Non! Et puis, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, mais elle était plutôt bonne, puis elle faisait plein de trucs. Ouais. J'espère qu'elle a une belle carrière, parce qu'elle était quand même pas mal bonne. On checkera ça. De toute façon, c'est la fin du podcast. Il est tard. Mot de la fin. Avez-vous un mot de la fin? Pitchez-vous pour personne. Ouais, moi j'avais un jeu que j'avais joué, mais... Wow. On va en reparler, parce que ça va valoir la peine qu'on en reparle plus. C'est Ghost Trick? Oui, c'est Ghost Trick. C'était vraiment bon. Ah, j'ai fini? J'ai essayé un démo de ça. Ah ben oui, c'est bon. C'est vraiment, vraiment écœurant. Ben en fait, c'est disponible sur votre téléphone si jamais vous voulez jouer. Apparemment que la version va très bien aussi. Ben oui, moi je l'avais joué entièrement sur mon vieux iPod dans le temps. Ah oui? Ah ouais. Parce que moi, je l'ai joué sur la DS. Comme le... la version originale. Là. Ah, ben moi, je l'ai joué en HD. Oh, oh, oh. Ah, es-tu en HD pour vrai? Ben, la résolution d'un iPhone est quand même pas mal meilleure qu'un téléphone, oui. Ouais, mais je veux dire, c'est des graphiques cartoon, là. Tu peux pas tant les améliorer, ben, non? C'est du cel shading, fait que ça se scale bien. Puis oui, c'était vraiment beau, puis tout. Ok, ouais, mais donc... moi, je vais le jouer en 4K, en 3D. Je vais le jouer en VR. C'est malade, en tout cas. En tout cas, ouais, on en reparlera de ça. Je recommande. Yep. Beau mot de la fin. Ouais, je vais l'essayer, je pense. Moi, mon mot de la fin, ça va être Vignette. C'est un petit jeu que j'ai essayé. Un jeu comme de puzzle slash d'exploration d'objets. Que... C'est un jeu en vignette? Non, t'as un objet en 3D, en style un peu cel-shading, mettons. Là, tu le fais tourner, ça fait des illusions d'optique. C'est-à-dire que, mettons, tu prends, je sais pas moi, une boîte de Kleenex, puis là, c'est comme c'est une boîte avec un Kleenex qui dépasse, puis là, tu le tournes pour qu'elle soit, mettons, de dos, puis là, tu la vois d'en dessous, puis là, ça devient comme juste un rectangle. Mais là, pendant que tu tournes, là, ça devient, mettons, un livre ou une table, parce que, genre, okay, ça a la même forme, ça se transforme comme ça. Bref, c'est juste pour le trip de visuel, de tourner, puis de voir comme les effets d'objets qui se transforment, puis de manière inattendue, c'est cool. Puis t'as comme une progression, là, tu sais, c'est pas juste de faire tourner des objets, puis de voir, ah, c'est beau. T'as comme... Il y a comme un parcours à respecter, parce que si tu tournes l'objet d'une certaine manière, il va se transformer toujours dans le même objet. Puis là, c'est comme, faut que tu trouves tous les objets, genre. Puis c'est la musique, c'est de David Kanaga, le gars qui a fait Proteus, que tu parlais tantôt. Mm. OK. Récemment, Dyad et Panoramical. C'est 3$, c'est sur iOS. Ben, c'est sur téléphone. Puis c'est cool. C'est beau. C'était mon mot de la fin. Cool. Blob, mot de la fin? De mon côté, j'avais cru comprendre que peut-être il y avait le jeu Tokyo Jungle qui était gratuit sur peut-être PlayStation Now. Probablement, parce qu'il me semble que c'est un jeu sur PlayStation 3. Fait que je vais investiguer, parce que c'est un jeu assez bizarre. Si j'ai bien compris, c'est un RTS où tu choisis genre des animaux, puis tu te bats dans la ville de Tokyo avec tes animaux, genre. De tous les types de jeux que tu aurais pu nommer, probablement le dernier en bas de ma liste, c'était RTS. J'aurais été moins surpris que tu me dises que c'était un fighting game, genre. Vu ce que j'ai vu du jeu, là, moi, je voyais comme des animaux qui se promenaient, ça avait l'air d'un jeu action-adventure. Puis là, tu me dis, non, c'est un RTS. Puis je suis comme, what? Comme je suis là, je pense que tu pourrais avoir autant raison que moi. Je suis pas sûr. J'espère que je vais être capable de l'essayer. T'es sûr que t'es pas en train de te mélanger avec Full Metal? Non. Comment ça s'appelait? Le jeu de Double Fine là, en métal, avec de la musique métal. Rock of Ages? Brutal Legend. Brutal Legend. Non, je me mélange pas. Là, c'était secrètement un RTS. Ouais, ça, je vais essayer Tokyo Jungle, puis je vous redis si c'était vraiment un RTS. Parfait. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a un petit peu de stratégie, parce que t'as comme une meute, puis il y a de l'action. Fait que je pensais que c'était comme un RTS. On envoie Blob en investigation. J'espère que je vais pouvoir l'essayer. Sinon, peut-être que je vais l'acheter. Ça doit pas être bien, bien cher. Et sur ce... C'est ce qui termine ce podcast délicieux de On a juste une vie. Si vous avez aimé ça, faites-vous abonner. Si vous nous écoutez sur YouTube, vous pouvez, il y a un bouton pour s'abonner en bas. C'est comme wow! Puis il y a même un autre bouton à côté, je pense, c'est comme une petite cloche. Là. Puis là, ça fait que quand on est live, ça va vous envoyer une notification. Comme ça, vous allez pouvoir savoir quand je stream des jeux tels que Abzu ou B-Swing. Ou B-Swing. T'as streamé B-Swing aussi? Ouais. B-Swing, je pense que je l'ai streamé sur mon compte personnel, par exemple. Ouais, parce que j'ai pas eu de notification. Non, ça devait être ça, d'abord. Je pense que j'ai fait un silent stream. dire un, ou que je mets pas la webcam puis le micro. Je fais juste streamer le jeu pour l'enregistrer, pour la postérité. Enfin, vous pouvez vous abonner aussi sur iTunes pour avoir des podcasts dans votre téléphone direct. Et allez sur onajusteunevie.ca pour avoir les liens aussi vers notre Facebook et Twitter, toutes nos choses. On est aussi distribué sur l'entredugeek.net. Si vous avez des questions ou si vous voulez dire qu'on a dit rien de la bullshit à propos des disquettes ou de Wonder Woman ou de n'importe quoi d'autre, comme le papier de toilette d'épaisseur chalet ou le fromage squick squick, et ou si n'importe quel de ces sujets-là déclenche des questions dans votre subconscient, eh bien, conscientisez-les et écrivez-nous-les à info@onajusteunevie.ca. Puis on va pouvoir y répondre dans le podcast, ça va être malade. Yep. On va faire ça certain. Tu sais qu'on a déjà eu un débat pendant genre une demi-épisode complète à propos d'un des hot dogs, si c'était des sandwichs. Et ouais. J'écoutais un streamer ou une streamer sur Twitch. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans le chat qui a posé ça comme question. Puis là, elle avait l'air vraiment confuse. Puis là, le chat, puis elle se répondait pour débattre. On n'est pas les seuls. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'angle. Oui, c'est vrai. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode live de On a juste une vie. Savez-vous c'est quoi la sorte d'ail la plus intense? Non, mais je sais que tu vas me le dire. C'est l'Eye of the Tiger. Ça, c'est le genre d'ail que tu te la mets dans la bouche, puis là, tu fais comme « Ouh! Aïe, aïe, aïe! » Mais hein. D'ailleurs, celle qui a pété dans le salon, là, je l'ai regardée pour voir s'il était infecté, qu'il y avait de la mousse, puis j'arrivais pas à trouver le niveau de liquide. Là, je regarde, là, il était comme à 1 mm du bouchon. Je sais pas c'est quoi que mon ami a pensé quand il a rempli celle-là, mais d'habitude, t'es supposé de la remplir jusqu'à un petit peu en haut d'où est-ce que la bouteille rapetisse. Mm-hmm. Là, non, il l'avait mis comme dernière goutte. Fait que, dernière goutte, pas une seule goutte on a eu de celle-là. Oh non.